Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence-Vie, présentation, Prisca Aïman. Shalom à tous, bienvenue à l'émission Transformation. C'est une émission de témoignage, comme vous le savez maintenant, que l'Éternel vous bénisse. On va écouter tout à l'heure un témoignage qui fait du bien, un témoignage très édifiant parce que le Seigneur a permis à sa servante de passer de vie à trépas et de revenir à la vie. Et surtout, il lui a donné aussi de voir ce qui est un peu au ciel. Il y a eu une visite, elle n'est pas touristique, c'était une visite céleste. Le Seigneur a ramené sa servante pour porter un message à l'Église, pour en réalité affermir la foi des uns des autres, et puis surtout appeler à la vigilance. C'est très important, on en parlera au cours de cette émission, pas forcément la première, mais pour les séances qui lui sont consacrées, on en parlera. Pour l'heure, on va juste procéder aux civilités, par la grâce du Seigneur. Bonsoir, bonsoir à vous deux, c'est un couple, le couple Yao. Alors, Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir Prisca. Bonne arrivée. Merci. Monsieur Yao m'a appelé et m'a fortement recommandé ce témoignage et c'est ce que je fais par la grâce du Seigneur. Madame Yao, bonsoir. Bonsoir Prisca. Alors, tu vas te présenter puisque c'est de toi qu'il s'agit dans ce témoignage. C'est vrai que ton mari, il viendra en renfort, en griffe. Il viendra en renfort pour des compléments d'informations. C'est vraiment très important. Donc c'est Madame Yao née. Madame Yao née à Sémia et Babrania. D'accord. Mariée. Mariée légalement devant le Seigneur. D'accord. Mère, vous êtes... Mère de trois enfants. Voilà, le couple Yao a trois enfants. Vous priez où? Je prie à l'église baptiste, missionnaire le semer, le PK 18. Voilà, c'est à Bobo. Alors, on va parler avec elle, hein. Un grand témoignage, comme je le disais à l'entame de cette émission. On va parler d'abord des croyances de la famille. De quelle région de la Côte d'Ivoire vous êtes originaire? Mon père est de Aboisso, Krenjabo précisément, et ma maman est de Boaké Sakassou. Donc vous êtes Annie? Je suis Annie d'Aboisso. Oui. Krenjabo. Et Baoulé par la mer. Baoulé par la mer. On salue tous les Baoulés, tous les Annie, ce sont des frères. Alors, on va parler des croyances de la famille, des croyances de la famille. Côté paternel, qu'est-ce qui t'adorait? Côté paternel, on adorait... le tanoué, l'eau qui s'appelle le tanoué, les houliers, c'est aussi eau. Comment les pratiques se faisaient autour de cette eau-là? C'est un fleuve? C'est, oui, oui. On va avec les moutons, les poulets, les œufs, et on s'arrête au boy, celui qui adorait, et il a une manière d'interpréter l'esprit de cette eau. Et parmi nous, ceux qui adoraient, puisque moi je n'étais pas dedans, mais par curiosité, j'allais assister. L'esprit tire l'une parmi ceux qui allaient adorer, elle tombe dans l'eau. Elle perd dans l'eau pendant quelques minutes. Elle se loigne dans l'eau et on cherche jusqu'à on n'en trouve pas. Ça veut dire que c'est comme le sacrifice. Voilà. Non, c'est pas sacrifice, mais en fait, l'esprit l'utilise pour montrer qu'il est puissant, qu'on vient de l'eau. Ben justement, est-ce que elle arrive à survivre? Oui. C'est-à-dire elle revient. Elle revient. Elle revient. Après l'eau, la balance, elle revient avec elle. Elle se noie pas. Elle se noie, même on cherche, on ne la trouve pas. Mais après, elle revient. On voit que après au moins une heure de temps, elle revient en vie. Elle est juste au bord de l'eau et elle revient en vie. C'est ça. Parce que normalement, elle doit perdre la vie. Je veux dire que elle tombe en transe, mais elle ne perd pas. Je veux relever le caractère surnaturel de ça, je veux dire de ces éléments-là, puisque si l'eau t'a englouti, tu te noies forcément. Mais après quelques minutes, elle revient à la vie. Oui. C'est juste pour dire que l'eau veut se montrer un peu puissante, c'est ça, le génie de l'eau. Oui, oui, veut montrer que c'est pour lui, ses enfants qui sont là, l'appartient. Donc, il est là, quelque sorte, pour protéger tout ce monde, la famille qui est là. C'est une démonstration de puissance, quoi. Voilà. D'accord. Il y avait aussi à côté de cette pratique-là, le bois aussi qui était... Oui, bois-main. Bois-main. Oui. La signification, c'est quoi? La signification, c'est bénis-moi. La bénédiction. La bénédiction, oui. D'accord. Donc, quand ce bois était adoré, c'était pour invoquer la bénédiction. Quand tu ne trouves pas du travail, tu donnes le travail, du boulot, et protège aussi la famille. Un autre bois nommé l'hysope, mais en langue, ça donnait... Nyangon. Là, c'est jumeaux, ceux qui sont 9e, 4e enfant, qu'on les plantait, on les faisait représenter par l'hysope, par leur âme, dans la cour. Dans la cour. Là, c'est dans chaque la année, oui, dans la cour familiale. Donc, chaque année, on adore. Bah, les poulets et les œufs aussi, moutons. Si c'était ça, comme ça. Ça veut dire que c'est la famille ou bien c'est le village? C'est la famille seulement. Qui adore. Là, c'est la famille, soit la famille enseignante seulement qui adore cela. Et celui qui est intéressé, même s'il est grand, lui-même, s'il envoie mouton. Et si ses enfants sont là, peut le soutenir avec les poulets. Voilà. C'est cela. Alors, on parle aussi d'une autre adoration, mais là, c'est du côté maternel. Il y a l'eau aussi qui est adorée. Oui. L'eau s'appelle comment? Dangan. Dangan, est-ce que je veux dire que ça y a une signification? Oui, il y a une signification, mais moi, je ne... Voilà. Il n'y a pas de problème. On s'arrête dessus pour avoir des enfants. Pour la fertilité, la fécondité. Voilà. Puis la chance. Mais d'accord. Je ne sais pas d'autres significations, puisque... Nos mamans ne nous laissaient pas s'approcher. D'accord. Il y avait aussi l'adoration du papayé. Oui, papayé. Ça se faisait comment? On envoie mouton, il tue, et puis là, c'est comme un sacrifice pour la famille. On appelle tous les enfants du village pour manger. Auprès du papayé? Oui. D'accord. Alors, on va parler de la naissance aussi. Déjà, 13 enfants, dans ta prime enfance... il y avait déjà des totems. Oui, je ne mangeais pas le maïs. On dit je suis née avec le totem que je suis quitté dans le ventre de maman. Et j'avais ça. Je suis venue avec ça, disons. Donc, je ne devais pas manger le maïs. D'accord. Il y avait aussi cette chose insolite. Hein. Tu serais venue, je n'ai pas le conditionnel, tu serais venue avec une pièce d'argent. Oui. Les gens ont vu cette pièce d'argent. Oui, ma tante qui m'a expliqué. Maman m'a expliqué. On m'a montré l'argent. Okay. La pièce d'argent, mais... Ah, ils ont conservé? Oui, on a conservé. C'était quoi, une pièce de quoi? 5 francs. Il y avait petit et j'avais tête de l'homme dessus. Waouh. D'accord. Alors, les gens aussi avaient vu que tu étais destinée à danser le combien? Oui. Ils te l'ont dit comment? Bon, c'est une femme qui est venue... annoncer ça un soir. On ne sait pas d'où elle était quittée. Elle a annoncé. Dès qu'elle a fini, elle est partie. Un peu comme les diseuses de bonne aventure, là. D'accord. Alors, le comian, pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi? Est-ce que Maman Yao, Léa, peut expliquer ça? Puisque c'est de ta région, c'est quand même Agni et Baoulé, mais je ne sais pas de quelle région. Comian, c'est ceux qui dansent au fétiche et donnent les révélations. Il met les kaolins blancs sur eux. Il y a une tenue vestimentaire qu'elle a. Oui, il met les kaolins sur eux et ils ne portent pas d'habits. Ils sont en pagne blanc. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y avait des pratiques comme ça, mais Maman Yao, ton père, il était un peu opposé au fait qu'on puisse prononcer votre nom dans chaque rituel. Ou bien, qu'est-ce qui se passait? Mon papa ne s'impliquait pas dans ces choses. D'accord. Donc, mon père n'a pas voulu, n'a jamais voulu qu'on nous amène à cela. Donc, il ne voulait pas que vous participiez à cela. Oui. Et que vos noms aussi soient prononcés, prononcés là-bas. Non. Lui-même, il n'était pas pratiquant de ces choses. Non. Mon papa n'aimait pas, il ne faisait pas. Et votre mère? Bon, côté de ma maman, elle faisait, mais elle ne nous impliquait pas dans ces choses aussi. Voilà. D'accord. Alors, c'est le côté maternel que nous essayons de voir aussi. Il y avait un problème de mariage à cause du concubinage et tout ça. Côté de maman, il y avait pas, on ne mariait pas mes mamans. Et ils ne se mariaient pas. Mais ils enfantaient beaucoup. Il y avait la fécondité, voilà, mais pas de stabilité dans le mariage. Non. Non seulement il n'y a pas de mariage, c'était seulement le concubinage. Oui. Et au travers les enfants aussi, c'est même chose. Et nous qui étons mariés, nous sommes mariés actuellement devant le Seigneur, dans la famille, nous sommes que trois. Trois. Oui. C'est comme une personne comme ça. Est-ce qu'on peut évaluer un peu le chiffre? C'est arrivé 20, 20 et quelques. Il n'y a même pas la moyenne, hein? 3 sur 20 quand même. D'accord, c'était le concubinage. Nous-mêmes, nos enfants, il y a eu deux qui nous ont suivis. Oui. Mireille. D'accord. Moi-même, ma fille. D'accord. Mes filles. Deux filles. C'est ça. Et toujours dans ce côté maternel, il y avait une cascade de morts. Et maman, il y a resté seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Côté maternel, mes parents maternels m'ont fait comprendre que c'est à cause de l'esprit des eaux qu'il y a eu cette mort pour mes frères. Parce que pourquoi je dis cela? Après la mort de celui que je suivais direct, mon oncle m'a appelé à la grande cour pour me dire que voilà que tes frères viennent de finir et reste-toi seul. Et toi, tu t'es attaché à Dieu. Donc, nous, on ne peut pas te forcer à aller adorer l'eau. Que moi-même, je prends la décision d'aller adorer à ta place. Que nous, on ne peut pas te dire d'aller, c'est puisqu'on sait que toi, tu as autre Dieu que tu adores maintenant. Donc, c'est par là que j'ai su que c'est à cause de l'eau que j'ai perdu ma mère et mes autres frères. C'est ça. Mes frères, mes quatre. Avec les alliances qui sont contractées auprès de l'eau, comme tout à l'heure, on va avoir un exemple illustratif. Ok, donc quatre frères sont décédés. Oui. Et maman Yahweh est restée seule, par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur avait besoin d'elle, vous allez comprendre, pas forcément dans cette émission, mais dans l'autre qui est consacrée. On rappelle que nous sommes avec Madame Yahweh, née Assemion et Babra Léa. Elle est mariée et mère de trois enfants. Son mari, Monsieur Yahweh, est là. Et tout à l'heure, il va apporter son grain de sel. Il va se mêler un peu à la causerie, c'est très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce qu'il a été témoin des choses dramatiques qui sont survenues dans la vie de sa femme. Et si c'est passé au niveau de sa femme, c'est que lui aussi est concerné parce que c'est le proche parent en griffe de sa femme. Il est donc son époux. Alors, on va aller toujours dans la prime enfance. Déjà, quand tu étais enfant, maman Yahweh, tes yeux spirituels étaient actifs. Oui. Étaient en activité. Tes yeux spirituels étaient ouverts. Oui. Là, elle n'a pas encore Jésus, donc on parle de la vie sans Jésus. Quand je n'étais pas encore en Jésus, je voyais déjà clair. Je voyais, quand le tribun se levait, je voyais les gens dedans. Souvent, il y a des gens dedans. Ah bon? Oui. Donc, c'est pas simple. Hein? Non. Quand les tourbillons. Oui, c'est pas tout qui est simple. Parfois, il y a des êtres humains qui se font la sorcellerie, ils sont dedans. Et je les voyais. Mais quand tu les voyais, ils faisaient quoi dans ce tourbillon-là? Ou tu les voyais simplement? Je les voyais souvent, ils s'en vont à une mission. Ils s'en vont à une mission. C'est comme s'ils se lèvent jusqu'au ciel là-bas. Non, ils ne vont pas au ciel. Mais ils font comme ça pour marcher. C'est leur manière de se déplacer. Ok. Et quand ils vont, on trouve que c'est simplement le vent qui est en train de souffler. Le sable. Soulever les choses. Mais au fond, il est venu pour une mission. Quand il tourne là, après c'est la mort. Donc c'est la pure sorcellerie. Hein? Oui, oui. C'est cela. D'accord. Et puis quand il y avait des cas aussi de décès, toujours comme tu n'étais pas chrétienne et que l'ennemi voulait forcément te faire danser comme Yan et puis surtout aussi t'utiliser dans le monde des ténèbres, tu arrivais, tu avais la faculté de communiquer avec l'esprit de mort. Oui. Comment ça se faisait? Souvent quand il y a la mort dans une famille, même si je connais la personne, les mêmes choses se passent. Parfois aussi, je ne connais même pas la personne, mais il suffit de mettre mon pied où la personne est. Il est mort au funérailles, qu'on n'a pas encore fait l'enterrement. Et je vois dans le noir, la personne est là. D'abord, je sens l'odeur okay. du cadavre. Ah bon? Bon, quand je tourne le visage, l'odeur m'attire. Mm-hmm. Et puis quand je regarde, je vois la personne. Et puis tout d'un coup, c'est comme du courant mm-hmm. qui rentre en moi. Et puis je commence à communiquer. Communiquer par télépathie. Voilà. Mm-hmm. Par télépathie, oui. J'explique mm-hmm. ce qui se passe. Mmh, ok, ça veut dire que l'esprit de mort, je veux dire qu'il est sorti de la personne qui est décédée là, communique avec toi. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où la personne n'est pas chrétienne. Mmh, oui, oui. La personne n'est pas chrétienne, oui. puisque un chrétien, son esprit n'est pas venu communiquer avec lui. Non. Moi-même, je n'étais pas chrétien et la personne aussi n'est pas chrétienne. N'est pas chrétienne aussi. Voilà. Mmh. D'accord, c'est compris. Alors, donc c'était... et puis aussi, tu arrivais quand même à expliquer les choses aussi à certaines personnes que, je veux dire, les choses que tu voyais, que tu expliquais, ou bien il y a des choses aussi que tu prédisais qui arrivaient. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut en Souvent, parler? Souvent, je dis aux gens, c'est-à-dire que ce qui n'est pas bon. Des choses négatives seulement. Voilà. Mmh. Je disais parfois, toi, ça là, tu vas faire ça à part reçu. Et ça ne marchera pas. Et la parole agissait. Agissait. Si tout de suite, par exemple, je disais que. Celle-là, elle va mourir et ça se passe. Voilà. Mais est-ce que quand ça se passait, est-ce que toi tu regrettais ou bien... Je ne regrettais pas. Tu ne regrettais pas? Non. Parce que tu n'étais pas chrétienne. Pour ça toi. Ne disait rien. C'est comme si j'étais forte. Donc je veux dire que tu avais conscience qu'il y avait déjà une puissance en toi. Oui. Il y avait un pouvoir en toi. Oui. Qui t'était donné par le monde des ténèbres puisque tu n'étais pas chrétienne. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait un côté chrétien que. Bon, moi, je me disais que tout était normal. Tout était normal. C'est cela. C'est cela. C'est la vie donc de Madame Yao, hein, Madame Yao Léa. Elle est dans ce studio avec son mari. Je pense qu'on a fini avec la vie sans Jésus, mais il y a une petite prolongation parce qu'elle va rencontrer Jésus de Nazareth. Évidemment, parce qu'elle n'était pas chrétienne, elle n'a pas donné sa vie au Seigneur. On en parle maintenant, c'est en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Yao Léa? En 1995, ce qui s'est passé dans ma vie, aux environs de 19h, Monsieur Yao et moi, nous étions couchés. Et j'ai été saisie par un esprit, que vraiment l'esprit même était fort. Et je me suis levée. Donc, ça t'a secoué ou bien? Bon, ça m'a secoué. Parce que quand j'étais couchée, c'est comme si on me prenait par derrière pour aller quelque part. Donc, après cela, c'est là que je me suis retrouvée que j'étais assise. Et puis, je ne me suis plus retrouvée. J'ai commencé à dire n'importe quoi. C'est ça, c'est comme tu délirais, tu disais autre chose, tu n'étais plus cohérente. Voilà. D'accord. Bon, c'est monsieur qui allait, il m'avait dit après cela, la délivrance que. D'accord. Allait, voilà. Tout à l'heure, on va revenir à monsieur parce qu'il ne va pas échapper. Il va parler. Monsieur Yao est un peu timide. Hein. Voilà, mais je lui ai dit qu'il faut qu'il rende témoignage dans le témoignage de sa femme parce que c'est son mari. Puis il a été témoin oculaire et auriculaire de tout ce qui s'est passé dans la vie de sa femme. Alors. Quand tu t'es un peu agité et tout ça, il y avait des chrétiens qui étaient venus te voir. Oui, monsieur allait appeler notre voisine qui était déjà chrétien. D'accord. Donc monsieur était conscient que la solution pouvait venir de Jésus, mais lui-même n'était pas chrétien. On va en venir, ne vous en faites pas. Non, monsieur allait appeler une voisine bien. Que vraiment, cette femme, on parlait trop d'elle. Ah bon? Étant chrétien, et elle louait beaucoup le Seigneur. Elle avait un bon témoignage, ou bien? Oui, parce que elle-même, elle aimait louer le Seigneur. Ouais, donc, les gens parlaient un peu d'elle. Non, personne ne parlait d'elle dans la cour. Oui. Mais monsieur et moi, nous, on trouvait qu'elle... Bon, on aime la tranquillité. Donc, on trouvait que la cour où on est venu prendre maison, là, le monsieur, là, cette dame-là, elle amène le monde avec louange. C'est qu'elle a fait ça, dans la douche où elle loue, au dehors où elle loue. Bon, là, c'est un peu trop. Elle amène le monde. Bon, c'est après ça que... Quand j'ai eu ce malaise en griffe, voilà, c'est là que monsieur allait l'appeler. D'accord. Monsieur Yao, vous êtes allé appeler cette femme. Vous saviez qu'elle était chrétienne et tout ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bon, d'abord, la nuit, il y a quelque chose de bizarre qui se manifestait en elle. C'était Je n'ai jamais vu cela auparavant. L'esprit, au départ, ne s'était pas présenté. Donc, je suis allé voir la dame. Elle est chrétienne. Elle faisait beaucoup de bruit dans la cour. Donc, je suis allé la voir. Ah, madame, bon, voici ce qui se passe. Venez voir un peu. Elle est venue. Elle a essayé de prier. Ça n'allait pas. Elle ne pouvait rien faire. Elle allait appeler encore d'autres personnes, d'autres chrétiens, à cette époque-là. Et ils sont venus prier, prier jusqu'à, je crois, 23 heures. L'esprit leur a dit que, écoutez, je suis venu pour une mission bien précise. Ce n'est que le lendemain, aux alentours de 14 heures, que je vais libérer ce corps. Wow. Je suis venu pour une mission bien précise. Est-ce que la mission a été définie? Oui, par cet esprit qui agitait Jusqu'après, l'esprit maintenant s'est présenté à moi. L'esprit a dit qu'il était l'âme de sa mère décédée en 1992. L'esprit même m'a tiré au dehors pour aller me montrer des plantes la nuit, minuit, une heure du matin. L'esprit m'a parlé beaucoup de ce que il est venu pour remplir une mission à l'intérieur de sa fille et amener sa fille à l'église. Ok. Parce qu'il y a des sorciers dans la famille qui la guettent. Non, c'est le mauvais esprit même qui a exhorté votre femme. C'est un peu bizarre. Qui a exhorté votre femme à aller avoir le secours de l'Éternel. C'est ça. À l'église parce que sous prétexte que des sorciers ont voulu à sa vie. D'accord. Ça, c'est vraiment insolite. Mais le Seigneur est tout puissant. D'accord. Alors, finalement, qu'est-ce que cette dame chrétienne a fait? Et le lendemain matin, ils sont encore revenus. Ils étaient encore un peu plus nombreux. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et c'est à 14h plus exactement qu'elle est tombée dans les pommes. Elle s'est endormie. Et l'esprit l'a quittée. Et vers 19h, ce même jour, on l'a conduit à l'église pour une délivrance. C'est une église évangélique. Évangélique, l'église baptiste missionnaire d'Abobo PK 18. D'accord. Moi, je ne fréquentais pas cette église. À cette époque, c'était en 95. Et il y a eu délivrance et automatiquement l'Esprit Saint l'a saisi. Voilà un peu comment les choses sont passées. C'est cela. Voilà comment les choses se sont passées. Et c'est très important d'en parler. Très, très, très important. Alors, à partir de ce moment, Madame Yao était régulière maintenant à l'église. Oui. Explique-nous ça un peu. Bon, depuis ce moment, je n'ai pas laissé la main de notre Seigneur. J'allais régulièrement à l'église. J'étais dans le groupe de prière, les études bibliques, les réunions du soir, vraiment. J'étais assidu à l'église, même les dimanches. Jusqu'à ce que, vraiment, il lâche un peu la main de Dieu. Il y a une période de flottement, de baisse de régime spirituel, oui. C'est l'orgueil qui est arrivé au dernier moment. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas... Je veux dire, est-ce que tu t'es dit que tu es un peu déçu du Seigneur? Ou bien, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché un peu la main du Seigneur? Ça, il faut qu'on sache si c'est possible. Après, quand la souffrance, monsieur m'a fatigué beaucoup... On y... Voilà, bon, là, il m'a beaucoup fatigué. Bon, on va en parler à la seconde émission, parce que c'est le piment de la chose aussi. On en parle un peu. Nous sommes en train de chahuter un peu son mari ici. On est en train de le chambrer un peu. Mais il parlera parce que c'est très important dans ce témoignage. Sinon, tu étais régulière à l'église, participais au temps de louanges, adoration, au culte du soir. C'était ça? Et comment tu te sentais à l'intérieur de toi-même? J'avais la paix du cœur. J'avais la paix du cœur. Je me sentais bien à l'aise quand j'étais au milieu des enfants de Dieu. D'accord. Elle se sentait très à l'aise, bien à l'aise lorsqu'elle était au milieu vraiment des enfants de Dieu, puisque elle-même, par la grâce du Seigneur, elle a intégré la bergerie de Christ. Elle est passée du monde des ténèbres au monde de la lumière et nous bénissons l'Éternel. Mais les choses n'ont pas été faciles, comme elle a dit. Et c'est ce que nous vous demandons d'écouter la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur. Beaucoup de choses sont passées avec son mari, parce que lui aussi n'avait pas le Seigneur. Si sa femme accepte le Seigneur, est-ce que c'était son cas? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur foyer? Qu'est-ce que ça a pu entraîner? Nous en parlerons certainement la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Merci à Mathias Kwame qui a réalisé cette émission. Prisca Iman, ce microphone. Au revoir et portez-vous bien. À la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Transformation.